Pour du plaisir garanti, c'est au club de golf de Chibougamau qu'il faut aller. Que ce soit pour une partie à la journée ou pour devenir membre, le club de golf de Chibougamau est l'un des plus beaux clubs dans la région, avec la qualité des verres qui fait l'envie de plusieurs clubs. De plus, nous offrons la salle pour vos différentes réceptions. Appelez sans tarder au 418-748-4709. Le club de golf de Chibougamau est très heureux de participer à la chronique du directeur général Michel Lallemand et souhaite une bonne année aux différents golfeurs du circuit. On va parler de golf avec notre ami Michel Lallemand, c'est la chronique du club de golf de Chibougamau. Salut Michel. Bonjour Danny. Michel, il y avait une Coupe des champions en fin de semaine. Oui, en fin de semaine dernière, on a eu la deuxième qualification. Ouais. En classe A, c'est une victoire de Serge Drolet avec 73. En classe 2B, c'est un de nos petits juniors ici, Alexandre Gauthier, avec 79. Puis en classe B, après un trou de prolongation, Bernard Levertu, avec 94. Okay. Une trentaine de participants encore. Formule qui est bien appréciée pour ceux qui aiment la compétition. Et en fin de semaine, on aura la troisième qualification de quatre où les quatre gagnants de chacune des classes vont s'affronter en finale. OK. Donc, ça se poursuit en fin de semaine. Donc, y a-tu des trous d'un coup alors depuis le début de la saison? Non, pas encore à date. On n'a pas eu. La femme dans le coin de Montréal qui a réussi trois trous d'un coup en l'espace d'à peu près quoi? 9 jours, je pense. Il y en a qui font même pas ça dans un an, puis dans une vie, puis... Ça fait tout près de 50 ans que je joue, j'en ai deux. Deux? OK. Mon chum deux, junior, mon chum junior Junot qui joue aussi, il n'a jamais eu, lui. Non. Raymond Lavoie, Delbeau, qui joue, ouais. Qui joue depuis au-dessus de 40 ans tous les jours, n'a jamais fait non plus. Mais ils disent, hein, d'un fois, t'es mieux d'être chanceux que d'être bon. Ouais, c'est ça. Fait que nos amis juniors, puis Raymond sont peut-être trop bons. Ouais. Puis passer chanceux. Effectivement. Il n'y a pas de promotion, ça, donc ça va bien. Heureusement que vous avez... Non, chez nous, ça va super bien. On n'a pas besoin d'être aussi agressif parce que on est seul dans notre secteur. Puis on a déjà, comme on disait, très, très beau début de saison. Un des meilleurs des cinq dernières années. Puis température est encore excellente. On a fermé une journée complète mardi avec des orages, beaucoup, beaucoup de pluie, de 8 heures le matin jusqu'à 9 heures le soir. Puis je peux dire que ça a fait un bien énorme pour notre terrain. Fait que les conditions sont excellentes. Puis on invite toute la population à venir nous rencontrer. On a toujours beaucoup de disponibilité pour tout le monde. OK, OK. Bon, ben, fait qu'on se reparle bientôt, Michel. On se reparle bientôt. Toujours un plaisir, Danny. C'est la chronique du club de golf de Chibougamau avec Michel Lallemand.